aujourd'hui, le lundi, oui, lundi 29 mai 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Excusez-moi. Ça commence bien. Mais je suis trompé de bouton, puis en plus, Benjo, arrête pas de se faire entendre. Vous connaissez Benjo. Pas besoin de... Oui, merci. Petit pet. Pas besoin de présentation. Mais si j'ai des problèmes et je dois aller le voir, j'ai une petite chanson de préparer. Ah, tout va bien aller. Je vous le dis, tout va bien aller. Comment ça va? Hey! On a toujours dit... Quel est l'adage? On va la trouver. Au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, sinon, mois de mai, goûte au nez. L'avez-vous? Moi... Depuis 30 ans, j'attrape presque plus rien. La grippe, le rhume, si je l'ai aux 5 ans, je suis très atteint. Il n'y a pas une maladie qui s'accroche à moi. Il n'y a pas un virus qui veut s'accrocher à moi. Il n'y a rien, rien, rien. Je m'en vante pas. J'ai un problème. Puis c'est pas bon, hein? C'est pas bon. ne rien attraper, là. Mais c'est vrai qu'après la varicelle que j'ai eue à l'âge de 30 ans, c'est la seule grosse maladie. Une grosse, était comment énorme. Hey, monsieur. Hey, ça brûlait tellement, là. Je me plaçais la tête au-dessus du robinet. En dessous? En dessous. Parce qu'au-dessus, il n'y avait pas d'eau qui coulait. Hein? C'était en dessous. Il faut que tu te places la tête en dessous. Il n'y avait pas d'instructions. Moi, pas d'intelligence. Pas d'instruction, pas d'intelligence. Alors, je me la plaçais en haut. Puis là, je me disais, on dirait qu'on sent rien. Il n'y a pas d'humidité. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Là, à un moment donné, je me suis rendu compte. Non, mais il y a un minimum. Mais quand tu te rends compte, il y a une petite éclaircie. Petite éclaircie dans ces yeux dégagés, et vertu. Si t'es novice, pourras-tu m'enseigner? Ouais, non, moi je suis novice, pourras-tu m'enseigner? Ouais, tom, tom, tom, secouez-moi avec méthode. Secouez-moi aux antipodes. Mes calories dans un temps flou. Légère éclaircie. Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est du bachon! Extrait de novice! Légère éclaircie sur ta nuque dégagée. L'amour t'a tant fait luire, je me vois dedans. Ribaud d'inspiré, j'ai d'œuvre inachevée. Secouez-moi avec méthode. Secouez-moi aux antipodes. Pauvre caribou déshonoré par cheval fou. Petit cumulus à verser au dossier. Jouer ma vertu, mes vertuées. Si je suis novice, pourras-tu m'enseigner? C'est beau, c'est visible. pas qu'est-ce qui se passe en haut, mais si je dois monter, là, c'est pas le tipette qui va... Je place des gens pour s'en occuper. Et puis écoutez, pas capable de prendre leurs responsabilités. Heureusement que j'ai pas une entreprise, moi, là. En tout cas, c'est Alain Bachoun qu'on a entendu dans la chanson « Légère éclaircie ». Sinon, en début d'émission, je l'avais comme titillé. Les vaches à Roger. Qu'est-ce que c'est ça, ces vaches à Roger, là? Oh! Bon, pour certains, dans certaines bouches, ça peut passer avec beaucoup de difficultés. Mais dans sa vision à lui du monde, c'est fluide. C'est comme de l'huile d'olive. Ça coule. Ça lubrifie l'intelligence et ça nous fait rire. Peut-être pas l'intelligence, mais la corde d'humour, de l'humour. Ça nous fait croire qu'il y a encore place à des spasmes. Parce que rire est un spasme. Quand tu ris, on dirait après ça, « Oh, t'es plus léger. » Tu te sens heureux, délivré, puis t'as juste ri. On devrait présenter, je sais pas qui a dit ça, sa carte d'assurance maladie pour des spectacles d'humour, mais il y en a tellement d'humour et si peu. Mais c'est, il va nous le balancer, là. Mais c'est vrai. Il y en a qui se qualifient d'humoriste, mais j'en suis pas un. Alors, c'est pour ça. Je suis pas journaliste, je suis pas humoriste. Je suis pas grand-chose, je fais de la radio, je m'amuse. J'espère que quelques auditeurs, auditrices s'amusent aussi. Quand on se prend trop sérieux, c'est là que ça dégénère. Et mettre ça de côté, ça nous laisse un peu, beaucoup de place à examiner la société, à trouver les anomalies et surtout... Prendre ces anomalies-là, ça va ces anomalies-là. Ben, tu trouves pas des mots faciles, toi, là. Des anomalies, c'est. Prendre les anomalies, OK, dis-le une autre fois. Oui, parce que je suis capable de dire jusqu'à la fin de mes jours, les anomalies. Tu prends les anomalies, des qui? Non, mais je crois qu'ils l'ont entendu, là. Ils savent que ça va. Tout le monde en cœur. 1, 2, 3, anomalies! OK? Je vous ai surpris. Bon, là, vous savez, regroupez-vous. Si vous êtes 2-3 avec vos amis imaginaires, ça va faire 15-16, hein? Ensemble, à go, à OK. On dit pas go en français, à aller. On va dire anomalie. Noir, c'est noir. ça vaut le coup de sauver notre amour, rien que pour nous. De sauver notre amour, rien que pour nous. Et toi, t'es aussi pire que les arrêts sur nos coins de rue. C'est juste au Québec qu'on peut lire arrêts. Oh, on l'a déjà dit ça. OK. Un, deux, trois. Allez. Anomalie! Allez, anomalie. Allez, anomalie. Alors, donc, anomalie. Oui, c'est ça. On prend les anomalies. C'est fini, je ne le dis plus, là. Le mot, on vient de... Dans le royaume symbolique de la francophonie, on devrait faire un numéro d'improvisation sur le mot anomalie. OK, prends ça en note, mon gars. Raymond, t'as-tu un crayon à papier? T'as juste un crayon? Écris-toi ça sur la peau, là, comme memento. Anomalie. Anomalie. Anomalie. Doit-on être alité pour parler d'anomalie? Oh, lis mieux tes classiques et tu sauras. Pas besoin d'être couché, quoique. Un bon livre, avant le roupillon, amène l'imaginaire à frétiller davantage lorsqu'on s'endort. Mais tu prends un mot en question, hein? Tu vois, la société, de la vie ou des amis, et tu la déformes, tu la reconstruis autrement, et c'est là que le plaisir commence. Les vaches à Roger. C'est qu'ils avaient un côté. Un côté. Ben, moi aussi, j'ai un côté. Ben oui, tout le monde a des côtés, mais attendez. C'est là que ça devient juteux. Est-ce que vous connaissez la série télévisée des années 60? Comment? Elliot Ness. Pas Les Incorruptibles. Ah oui, Les Incorruptibles. Connaissez-vous Les Incorruptibles? Série noir et blanc, là. Pas, je sais pas si on a fait un remake, là, mais la vraie version, là, où t'entendais une voix off. Oui, pendant le 14 février de la Saint-Valentin, le gangster Didier Super entre dans le saloon et se débouche la dernière bière. Un vent de terreur règne. Didier le sait. Il regarde au-dessus. Non, au-dessous, c'est comme la chample, oui, l'eau qui dégouline avec mes pustules. Au niveau du visage, il est parti sur mon corps. Mon corps. Ben oui, j'ai eu la varicelle à 30 ans. Mais c'est pas ça, l'anomalie, tu l'as déformé. Et les vaches à Roger. Bon, les vaches à Roger, j'ai un client qui m'a dit, il y a pas si longtemps, « Hey, non, mais vous êtes... » Parce qu'il me voit, ce monsieur-là. Je me sens comme un pépère, là. T'es pépère. Hey, « Eh ouais, pépère, comment ça va, vous? Ah, ça va bien, les études. Il fallait que j'ai arrêté d'études. Non, mais l'école de la vie. Ah, l'école de la vie. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y a plein de sujets qui m'arrivent. Qui t'arrive où? Dans le cortex cérébral. Oh, on peut pas le fermer, hein? Non. Ben non, au contraire. Si tu me fermes ça, toi là, on fera pas grand-chose, là. On va faire jouer de la musique, présenter nos invités extraordinaires. Surtout celui qui s'en vient, là. Oh, c'est mon alter ego. Mais, en dehors de l'alter ego, mon oncle avait un côté incorruptible. Elliot Ness. Gangster. Chapeau. Comme mon père. C'était la réplique de mon père, mais en plus petit. Quelques centimètres de moins. Et tous les garçons et les filles du côté de mon père étaient à peu près du même genre. Il utilisait l'humour sans le savoir. Pour terminer avec les vaches à Roger, salut mon vieux. Puis, j'allais dire à la prochaine. Ça dépend des convictions. Il y en a qui croient ça à la prochaine. Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sous mon transat. Je cherche en vain la porte exacte, je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors, ce récit de l'étrange histoire de tes amours transitoires, de belles au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. Tu sais, ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 ans, maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont pâli. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. On va se retrouver. Va rejoindre Raoul. Il t'attend. Mais voyons donc, comment ça, il t'attend? Qu'est-ce qu'il dit qu'il t'attend? Qu'est-ce qu'il dit que Raoul l'attend? Il n'y a personne qui attend personne. C'est comme si à la fin d'un film, tu dis, hey, attention, là. Attention. Exemple, tu viens de voir Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch. Générique fini. Film émouvant, tu sors du cinéma, puis là, tu te dis, « Hey, hey, le film vient de terminer, là, il va aller rejoindre d'autres films. » C'est surréaliste. Ben oui, c'est rationnel, tiens, ouais! Allô? « L'émission va prendre en cours lorsque nous aurons stagné. » Oh, OK. Mais c'est quand même bien, c'est bon à dire, ça, là. Donc, pendant le moment où nous sommes ici, à cet instant, je vous remercie de un, de consacrer du temps. Et croyez-moi, je le sais, c'est du bon temps. C'est du bon temps, c'est du joli temps, c'est du bon temps, mamie m'appelle, v'là le bon temps, v'là le joli temps, v'là le bon temps, mamie m'attend. Mamie. Mamie, honi, anisana manana mani, honi, awana mana sedan hani, beli huay, is to be, to be, mamie, mamie, da na na na si da mona. Évitez de faire na na na na. C'est pas la chanson là, na na na na na. Ça, c'est des The Queen, hein, je crois. Ah, oui, c'est ça, oui, c'est... Non. Et puis, sinon, tout va bien chez vous? Parlez pas trop en même temps, là. Un à la fois. C'est comme lorsqu'on rentre dans un train, dans l'avion, dans quelque chose qui va nous transporter ailleurs. Je sais pas si on souhaite à chaque fois qu'on monte à bord d'un engin qui nous envoie, qui nous, pour ne pas dire transporter, qui nous transporte. Je sais pas si inconsciemment, on veut que ce soit meilleur. Hein? Hey, là, là, t'as peu, là. Là, je m'en vais de l'épicerie, là. Je vais prendre l'autobus pour me rendre à l'arrêt d'autobus tout près de ma maison. J'espère que ça sera meilleur. Imagine-toi, quelqu'un qui se pose, qui est en un mode aussi étrange. « Il se trouve à un endroit. Il souhaite qu'en embarquant dans un motorisé, lorsqu'il va débarquer, mettre le pied de l'autre côté, ailleurs, là, à l'endroit où il n'est plus, lorsqu'il va déposer le premier pied, ça risque. Il se souhaite que ce soit meilleur qu'avant. Ça veut dire qu'il ne se sentait pas bien, là. Parce que, tu sais, si normalement, là, tu te comportes comme un être... Non, j'oserais pas dire normal. Un être normal, qu'est-ce que la normalité? C'est ce que la majorité des gens... Bon, oui, exactement. Mais... Moi... Mais peut-être tout ça, là, je vous le dis, c'est inconscient. On ne sait pas. On devrait se dire, là, une journée... On se lève, on se met en mémoire, on se met dans la tête, on va fonctionner comme ça. Lorsque je mettrai le pied dans un motorisé qui m'amènera ailleurs, je vais me souhaiter qu'au point A où j'étais, jusqu'au point B où j'irai, ce soit meilleur. Comme ça, de meilleur à meilleur, ma journée risque d'arriver au septième ciel. Quoique, j'ai beaucoup de problèmes à me rendre au premier ciel. Ah, moi, la parchésie, là. Oh! C'est enrageant, le parchésie. Parce que t'es presque rendu, puis tu descends. On dirait que j'aime moins ça, jouer aux jeux de société. Pourquoi appeler ça un jeu de société? Parce que tu joues avec des gens? Mais oui, mais... Tu sais, je perds mon temps à jouer à ce genre d'affaires-là. Mais non, pendant ce temps-là, là, tu peux parler. Mais comment ça, tu peux parler? Je peux parler là. Oui, oui, mais ça peut amener un autre dialogue. Eh, monsieur. Un autre discours. Oh, dans une autre ambiance. Oh, l'ambiance, c'est important. C'est vrai, ça, l'ambiance. On n'a jamais si bien réfléchi sur l'ambiance. C'est vrai, c'est important. Tu le samedi, 20h, tu vas donner rendez-vous à une jeune fille que tu connais depuis quelque temps, mais là, elle va venir chez toi, elle va passer, elle va venir, tu souhaites qu'elle va venir chez toi, là, mais elle va entrer dans ton domicile, donc, sur ta planète. Là, j'avais écrit une note hier, il y a une différence entre entrer sur et rentrer dans la planète. La différence, vous voulez... Je sais, il y a des gens qui sont là devant leur... La babine leur pend, puis il y a presque un petit goût de... Oui, oui, c'est ça. C'est la sève. Terminez les érables, madame. Mettez la chaudière en dessous de votre menton. Je vous conseille le troisième, parce que sinon, là, regardez, écoutez bien. Ça va glisser le long du premier menton. Faire le tour du deuxième et sur le troisième, comme il ne reste plus de menton, toing, ça va descendre dans la cuve. Et de la bonne salive de Mme Bibelot. Oh! On va vendre ça sur eBay. Comment on va vendre? Hein? Pardon? Vous êtes une femme courageuse. Le courage, ça a un prix. On va le vendre. On va le vendre. On ne sait pas combien, mais on va le vendre. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, c'est noir. Oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique, et c'est comme la musique, il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique, pourquoi tu te la compliques par des... Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle. Avec toi, elle sera belle. Si tu viens à la maison, tu veux ou tu veux pas. Donc, on parlait de salive, pas du tout, pas du tout. Ah oui, c'est ça. C'est que là, tu vas rencontrer quelqu'un. Quelqu'un va venir te rencontrer, excusez-moi, c'est l'inverse. Quelqu'un va venir, donc, elle va voir, elle va entrer dans ta vie personnelle. Parce qu'une maison, c'est quand même le reflet de ce que t'es. Vous n'avez pas vu ça de même, hein? Hey, moi non plus, je viens juste de le découvrir. Hé, hey, monsieur, je voulais repeindre, là. Moi, je veux tout en noir. Non, mais tant qu'à savoir qui je suis, mieux vaut se frotter directement à la rénalité, puis bang, hey, les murs sont noirs. Mon noir, tout est en noir, mon noir. Ben oui. C'est comme la dame qui dit, hey, mon grand, mon gars, hey, mon noir, mon noir. Il y a des expressions au Québec, mon noir, mon noir. J'ai une dame à Port-Cartier, là, Madame Lapointe. Pas celle que chante. Non, non, c'est Madame Lapointe. Elle disait souvent mon nom. Hey, mon noir, mon noir. Hey, hey, hey. En même temps, je la comprends aussi parce qu'elle travaillait. Au noir, au noir. Oui. Donc là, elle va sonner. Puis elle va bien se rendre compte que lorsqu'elle va appuyer sur la sonnette, ça ne fera pas de ding-dong. Il y a un jet d'eau qui va l'aspirer. Déjà là, c'est un côté humoristique. Elle va dire, ah, mon dieu, insignifiant. Là, tout son maquillage va couler. Tu vas ouvrir. Ça, c'est comme une toile qui a mal chéché. T'as mal chéché, ma chécha. Non, rentre. Viens te chécher. Tu veux partir? Oui, mais t'as même... Il y a de l'apéro qui... De champ. Mon steak. J'avais acheté des baffes. Mais voyons, dans. Tu veux me casser la... Est déjà défait. Regarde-moi, c'est déjà défait. Va, va, va. Marie Douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Aussi, fais bien attention. Je te l'ai déjà dit 100 000 fois sur tous les tons. Marie Douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse. Marie Colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais lequel aura le plus peur de nous deux. Marie Douceur est avec toi bien trop gentille. Si tu persistes à regarder les autres filles, Marie Colère ne sera plus du tout d'accord et sautera sur toi toute grippe dehors. Marie Douceur aime bien chanter des ballades, mais ne t'y fie pas trop, un bon conseil prends garde. Marie Colère adore les éclats de voix, alors choisis entre les autres filles et moi. Marie Douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie Colère est maintenant là devant toi. Marie Douceur n'est plus qu'un souvenir déjà. Entre un maquillage qui coule et une belle soirée où tu vas bien rire, donc tu risques encore d'avoir des problèmes au niveau de... Exactement! Donc, c'est pas grave. Je vais te laisser 2-3 minutes. Tu peux aller dans dans mon cabinet d'aisance pour, non pas te délester, mais pour enlever le maquillage. C'est beau le naturel. Parce qu'un jour ou l'autre, ça revient au galop, hein? Oh mon Dieu! Hey, mon oncle qui jouait souvent, lui. Roger jouait aux courses. Et monsieur. Il était moins pire qu'un autre. Je pense que c'est lui qui appelait à un moment donné. Pas certain. En tout cas, il y en a un qui appelait. Et là, c'est parce que ça vient de loin. Moi, les histoires familiales. Moi, je suis pas très, très enraciné. Oh! Mais en tout cas, il y en a un qui appelait. Pour savoir, il me semble que c'est lui, pour savoir où les chevaux étaient rendus à l'hippodrome. Hey, Bonnie Lookie, es-tu rentré en deuxième, là? Parce que moi, j'ai investi, là. Il n'est pas rentré du tout. Il s'est blessé en se faisant. Ben, voilà. J'avais mis. J'ai plus de maudite. Ils vont venir me casser. Oh non! Donc, tu lui demandes à ta copine. Ben, c'est pas encore ta copine, mais en tout cas, à la jeune fille, d'aller enlever quelques couches de maquillage. Elle s'exécute. Elle revient. Oh, quelle belle demoiselle. Rien ne cache sa beauté. Elle est l'intégralité du plaisir. Elle représente même une soirée bien réussie. Et tu lui louanges le fait que de se montrer sur son vrai jour est très gagnant pour la réussite de la soirée. Là, elle est émue, elle se met à pleurer. Là, c'est pas grave, il n'y a rien qui coule à part les larmes. Là, elle se dit, ouais, mais si la soirée ressemble à ça, le film que tu veux, qu'est-ce que c'est? Mais non, on ne regardera pas le film, on va regarder aucun film. Mais là, je suis pas ici pour, qu'est-ce que je veux faire? Hey, pas, on reste combien? Et là, c'est, elle commence à faire de l'anxiété. Assez, les filles, c'est fait. filles, c'est fait pour faire l'amour. Les filles devraient vivre d'amour. Les filles, oui, les filles, pour l'amour, pour l'amour. Les filles, oui, les filles, pour l'amour, pour l'amour. Ah oui, les filles, oui, les filles, pour l'amour, pour l'amour. Ah oui, les filles, oui, les filles, pour l'amour, pour l'amour. Oui, les filles, oui, les filles, pour l'amour. Bien, tout va bien se passer. Déjà là, mon repas, il y a 17 services. Ah, mon Dieu! Je vais pas engraisser, hein? Bien, t'engraisseras pas, ma championne. Il m'a tout te faire perdre ça. Comment? Mais là, on n'est pas rendu là, là. Bien, non, non. Ça semble bizarre. Comment tu veux me faire perdre ça? Bien. On ira marcher. Ah? Ouais? Mois de mai, marcher. Marcher où? Ben, marcher. On va descendre, monter les marches. Non, mais nous allons errer. Oh, là, déjà, là en elle, là, le mot errer, là. Oh, là, ça n'a pas donné. Ça n'a pas porté son fruit défendu. Est-ce que c'est défendu? C'est très défendu. Ah, mon Dieu. C'est défendu, là, de haut vers le bas. Puis là, comment faire pour recoudre ça quand c'est fendu de même? Puis là, elle va arriver. Là, je sais que vous me dites qu'elle est déjà rentrée puis elle s'est enlevée le maquillage. Mais non, dans mon histoire, là, elle n'est pas encore rentrée. Ça, c'était juste un prélude. Qu'est-ce qui pourrait arriver? On appelle ça un prolepse. Donc, on va arriver à ce qui va peut-être se passer. Hey, mon Dieu, c'est compliqué ton... Non, c'est simple. Donc, tu veux rentrer dans la planète ou sur la planète? La différence entre les deux. Entrer dans la planète, c'est pas vraiment la connaître, mais vouloir avoir du plaisir. Entrer sur la planète, c'est là que ça peut devenir beaucoup plus d'énergie. Ça demande plus d'énergie, ça. Parce que c'est comme un livre. On va feuilleter. On va parler de sa vie. Un peu comme mes invités. On parle de leur parcours, elle va se mettre à parler de son parcours, de sa vie. Puis toi, tu dois aussi lui dévoiler des choses. C'est donnant-donnant. Elle te parle, tu lui parles. De ton enfance, de son enfance. Ah, moi, je suis né à Québec. Oh, OK. Puis toi, t'es né où? Moi, je suis né à Québec. Ah, ouais! Hey, moi, je suis né en 1982. Oh! Toi, t'es né en quelle année? Oh, ça, j'aime moins ça, cette question-là. Là. T'as-tu d'autres questions? Les 10 questions de la fin? Hey, c'est quoi ça? Ben, mon émission. Oui! Ça s'appelle pas les 10 questions, ça s'appelle... Oui, mais quand je rencontre mes invités, lorsque c'est presque terminé, je leur demande 10 questions de la fin. Oh, oui, si tu étais... Si t'es magicien... Comment? Si j'étais magicien, qu'est-ce que tu... Oui! Je sortirais des chapeaux magiques, moi, des potions magiques pour déjà là, sans parler, juste à se regarder, on pourrait connaître la vie de l'autre. Sans dialoguer. Comme Diane Dufresne, on est sur la même longueur d'onde. Être sur la même longueur. Pas besoin de rien dire. On se serre la main, on s'embrasse. Et c'est bon temps d'en profiter. Ça arrive juste une fois par année. Non, pas celle-là. Mais c'est que ça, on pourrait enlever le vocabulaire. Les mots. C'est bizarre, hein, parce que mon émission, c'est ça. Mais tout simplement, dans le non-dit, dans le fait de partager un repas, un bon vin, et éviter des mots qui pourrait être de superflu. Être superflu. Une bonne musique, l'ambiance. On parlait d'ambiance, l'ambiance. Patin de peau sur la vie, vision d'un paradis. Il y avait un petit... oui, c'est vrai. Il y avait un petit bar, même pas un bar. C'était une boîte de nuit qui s'appelait L'Ambiance. Il y a longtemps, je n'ai jamais mis les pieds là. Mais moi, à part quelques bars, en fait, j'en vois deux dans ma tête. Un vrai, là. L'autre imaginaire. Oh! Tu restes au bar imaginaire? Ben oui, c'est plus tranquille. Donc, c'est ça. C'est... Tout se dit à travers le non-dit. Ce serait bien, ça. Entrer sur la planète de l'autre. La comprendre sans même qu'elle ait ouvert la bouche. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Au même titre que une chanson, deux notes étaient déjà emportées, étaient déjà gagnées d'avance. On appelle ça gagner d'avance. Oui, gagner. Je sais pas vous. Oui, vous avez gagné. Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre fille, je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent. Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Tellement que c'est plus fort que toi. Et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu crois être un homme. Mais toi, dans ma vie, tu ne m'as rien donné. Ces bottes sont faites pour marcher. Et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Toi tu joues avec le feu et tu t'amuses. Mais un jour viendra où tu vas te brûler. Un autre a pris ta place et moi je l'aime, yeah. Et ce qu'il est, tu ne le seras jamais. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter. Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher. Aujourd'hui, je vous propose l'homme de théâtre, l'homme de musique, le danseur, les voix que vous entendez sur France Inter, à la télévision, un peu partout sur la planète francophone, mon ami Bernard Pisani. Thank you. Comment ça va? Excellent. Je t'ai vu passer, mais je n'étais pas certain. C'est parce que je viens de te répondre et je t'ai dit que j'étais un tout petit peu en retard. Ah, il n'y a pas de problème. Voilà. Parce que moi, j'ai pas accès à Facebook. C'est pas un téléphone intelligent. Ah, d'accord. Mais non, mais c'est bien. C'est mieux vaut. On se voit comment? Ben, on fait Paris, il y a un peu moins de monde. En RH. Ici. Oui. Ah, bon, il y a du monde partout. Oui, il y a du monde partout, oui. Mais deux tables ici. Une table de livre ici. Ah oui, là, ça va. Ouais. Est-ce que ça te convient? Oui, tout à fait. Ok, parfait. Allons-y. Est-ce que ça peut être assez rapide? Parce que j'ai un rendez-vous à Montparnasse à 5h, ça va? Oui, il est quelle heure? Il est 4h10. Alors, on y va. Allez, on y va. Encore moins. Bonjour. Bonjour. T'es occupé? Pardon? Ça roule? T'es ça. Occupé? Ben, ça roule pas mal, oui. Mais tant mieux. Oui. C'est ce qu'il faut. Deux années de stagnation. Oh! Ouais. Oui. C'est fou. C'est fou. L'enfer. Ah oui. Alors, on doit finir à 17h, c'est bien ça, ou un peu avant, parce que tu dois être là à 17h. À quelle heure tu dois... Ben, l'idéal, faudrait qu'on termine à 16h30. OK. Ça va? Oh oui. Oh oui. Chez nous, on appelle ça une petite vite. Une petite rapide. Parce que, exactement, qu'est-ce que vous voulez faire avec moi? Une interview, hein, bien sûr. Une rencontre radiophonique. D'accord. Voilà, tout simplement, à la bonne franquette. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Oui. Il n'y a pas trop de monde pour l'enregistrer. Ben non, c'est des micros croisés. Donc, ça s'occupe uniquement de ta voix. D'accord. C'est okay. Merveilleux. Alors, sinon, comment ça va? Très bien. Eh, mais on est sur Facebook depuis quelques temps. Et bon, tu es connu? Non. Non, hein? Oui. Mais peut-être, sans le savoir. Et comment tu as eu l'idée de me... Ben, j'ai frappé à ta porte et tu m'as répondu. Oui. J'ai fait la même chose pour Jean-Pierre Coff et plein d'autres. Donc, ah, genre, Jean-Pierre Coff. Quand on frappe... Vous voulez avoir quelque chose? Oui. Moi, je prendrais bien un café. Un expresso? Ouais. Allez. Toujours un coca, s'il te plaît. Toujours, hein? Ouais, toujours. Regarde. Et donc, mais moi, ce qui me plaît chez toi, c'est que tu touches à tout. Puis tu as commencé très jeune dans une série qui a été mondialement connue. Oui. Flipper le dauphin, c'était toi qui faisais le petit garçon. Je doublais en français. OK, tu doublais en français, tu faisais la voix. Oui. OK. Pas le petit garçon, l'aîné des deux. Ah, le préadolescent. Oui. OK. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de faire la voix de ce petit garçon? Déjà là, tu faisais des traductions, est-ce que tu faisais du doublage? J'ai fait beaucoup de doublage. En plus de théâtre et de cinéma et de télévision, j'ai fait beaucoup de doublage. Et quand on m'a proposé cette série, bah, premièrement, c'était intéressant parce que c'était bien payé et sur une grande longueur. Ouais. Et puis deuxièmement, c'est une atmosphère agréable, un dauphin dans la... Mais oui, c'était charmant. Ouais. Mais cette série-là fait combien de saisons? D'après moi, 3-4? Oui, j'en ai doublé beaucoup. Est-ce que c'est à partir de ça que tout a commencé ou ah non. Tu savais déjà... Oh là là! Non? Oh non! Loin de là! Ok. Ça a commencé comment? J'ai commencé par être danseur à l'Opéra de Paris. Oui, moi. Oui, effectivement, oui. Ouais. Ça, tu avais vu sûrement oui, sur Facebook. Oui, j'ai vu la bio. Ouais. Puis après, j'ai beaucoup joué au théâtre et beaucoup tourné. Et puis en même temps, je suis devenu comédien. Et en étant comédien, où tu fais du doublage, où tu fais en même temps du théâtre, etc. Donc... Mais c'est bien parce que tu fais en même temps. Donc, avais-tu une formation en théâtre ou tu t'es... Ah oui, j'ai quand même fait ça sérieusement. OK. Oui. Avec la base. Ah oui. Ah oui, oui. Je fais les choses quand même... Directement, avec oui. Beaucoup de professionnalisme. Oui, oui. Et puis... donc... Là, ça enregistre en ce moment? Oui, on commence. Oui, ben oui, on a déjà commencé. Ah, je savais pas. Ah, ben c'est oui. Ça le micro? C'est les deux micros, oui. Ah, c'est génial. Ben oui. Oui. Oui, c'est portatif. C'est radiophonique. Oui. C'est pas télévisuel. Et ça évite tous les bruits, etc. Oui, exactement. Et ça coupe le vent. Ça coupe le vent de toutes les... Génial. Ben oui, on est... Non, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé par être danseur à l'Opéra de Paris. Mais du fait de ma petite taille, je ne pouvais pas faire une carrière comme j'aurais voulu. Ouais. Parce que les danseurs, quand même, sont assez grands. Et puis les danseuses, quand elles montent sur pointe, ça fait ça en plus. Et tu perds un peu, ouais. Voilà. Donc je savais très bien que j'aurais des problèmes. Et le théâtre m'ayant toujours attiré, je me suis orienté après vers le théâtre. Et j'ai eu la chance, en partant de l'opéra, de faire un très gros feuilleton français. qui a été énormément diffusé, où j'avais un des rôles principaux. Et puis après... Et comment ça s'appelle? Ça s'appelait, le feuilleton s'appelait La Déesse d'Or, et je partageais la vedette avec Patrick Devers. Ah oui, qui commençait, lui. Oui. Et voilà, et puis... Et puis après, j'ai fait une rencontre importante au théâtre. J'ai fait la rencontre de Jean Anouilh, oui. qui est comme mon père de théâtre, qui m'a fait jouer dans quatre de ses pièces, mis en scène par lui. Et ma carrière de théâtre et de télévision était partie, tu vois. Et donc, j'en ai fait beaucoup. Pendant ce temps-là, j'ai fait Les Flippers, Le Dauphin aussi en doublage. Ouais. Parallèlement à ça? Ah oui, parallèlement, oui. Mais t'avais, encore aujourd'hui, t'as un horaire très chargé. Oui. Oui, parce que maintenant, alors, ma carrière a évolué. Il s'est trouvé que je chantais, oui. Et que j'ai toujours chanté, et que j'ai fait beaucoup de comédies musicales. En plus... Avant que ce soit la mode, la comédie musicale... des années 80. Avant que la France commence à ouvrir ses œillères, parce que la France, faut se la faire. Hein. Bon. Ah non, mais ça, je pourrais en dire. Alors que les pays anglo-saxons, moi, j'adore les comédies musicales américaines et anglaises, au Canada aussi, bien sûr, puisque c'est la même chose. Broadway, tu pouvais faire des... Non, mais ça, j'appelle ça la comédie musicale. À un moment donné, ce qu'on faisait en France, c'était du caca, quand même. Mais j'ai fait quand même des comédies musicales intéressantes, des opérettes intéressantes, et j'ai même joué Bonaparte dans la Révolution française, où là, ma taille m'a beaucoup servi. Oui, ben oui. Voilà. Et puis... Pour une fois que ça peut être le cas. Oui. Ah oui, parce que j'ai eu quand même souvent des problèmes avec ma taille, même après en tant qu'acteur. Mais après, c'est devenu... Sans problème. Parce que tu étais de plus en plus connu, donc on savait un peu... Sans problème, et puis moi je continuais ma route. Qui même me suit. Et après, ma chance a été, grâce au chant, je suis arrivé dans le monde lyrique. Oui. Où tout d'un coup, moi qui ne suis pas un chanteur d'opéra, mais j'ai chanté beaucoup. J'ai chanté à l'Opéra Comique, j'ai chanté au Grand Théâtre Opéra de Genève, j'ai chanté dans les plus grandes salles, avec des rôles formidables. Je vous emmène faire un tour du côté de Saint-Germain-des-Prés, le quartier des poètes, des peintres, des artistes, qui a un peu changé maintenant, hélas. Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage. Tu viens me dire bonjour au coin de la rue des Fours. Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autrefois. Tu me dis que tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es une autre, c'est que je suis un autre, nous sommes étrangers. À Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi. Il n'y a plus qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autrefois. À vivre au jour le jour, le moindre des amours prenait dans ses ruelles des allures éternelles. Mais c'est déjà la nuit, mais c'est déjà l'ennui. voici l'éternité de Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a plus qu'aujourd'hui quand je te reverrai. À Saint-Germain-des-Prés, ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. C'est Guy Béard qui a fait cette chanson. Le fait d'être comédien me servait aussi en plus. Ouais. Et puis à partir de là, un jour on m'a proposé une mise en scène, et depuis j'en ai fait entre 30 et 40 des mises en scène d'opéra, etc. Mais voilà. À quel moment tu as pu savoir que tu avais une voix d'opéra? Une voix qui s'apprêtait à... Je ne suis pas un chanteur d'opéra. D'opérette, hein. Oui. Mais parce que j'ai toujours chanté l'opérette dans ma vie. Quand j'étais môme... Mais c'est quand même assez unique d'avoir une voix d'opérette, une voix de... Ah, j'ai une bonne voix de chanteur. Oui, c'est ça. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Mais est-ce que c'est de la pratique? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est des professeurs qui t'ont... Non. Au début, au départ, c'est une voix naturelle. Okay. Mais après, comme je suis consciencieux, je ne me suis pas contenté de la voix naturelle. Et j'ai eu la chance de tomber sur... Merci, madame. Mais comme ça, comme ça. J'ai eu la chance de tomber sur deux, trois coachs. OK. Pas de professeur de chant. Oh, stop, stop, stop. Please. Allez-y. Oui, c'est du temps. Stop. Le passage là-bas. C'est bon. Allez. Je voulais pas de professeur de chant. Ok. Parce que on sait pas sur qui on peut tomber. Ouais. Mais j'ai eu deux trois coachs, ça m'a servi. Et j'ai fait beaucoup de choses. J'ai chanté à l'Opéra de Lyon. Et les mises en scène, j'en ai fait beaucoup, et j'en fais toujours. Bon, là, il y a eu le Covid qui nous a foutu dans la merde. Mais voilà. Donc, je vous ai fait un résumé un petit peu. Voilà. Un résumé du parcours. Mais. Mais aujourd'hui, tu peux soit faire de la musique, soit faire des doublages, soit faire des mises en scène, soit jouer au théâtre. Donc, oui, parce que pour moi, je considère que c'est une seule chose. C'est être artiste. J'ai la chance de pouvoir... Là, tu vois, je reviens de Normandie, parce que le mois prochain, je mets en scène un très gros spectacle musical dans le parc d'un grand château sublime. Et le spectacle s'appelle « Il était une fois Disney ». C'est sur les grandes chansons de Walt Disney. Et là, je viens d'aller à préparer avec les danseurs et j'ai fait déjà les chorégraphies. Ah, tu fais les chorégraphies, okay. Ah oui, parce que j'ai été danseur. Oh, oui. Et le mois prochain, les chorégraphies étant faites, là je mets en scène, et le spectacle c'est pour le 13 août. Voilà. Un soir seulement. Oui, hélas. Et tout ce travail pour un. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail pour une seule... C'est comme ça dans les festivals. Ouais. Mais on va avoir entre 600 et 800 personnes. Oh oui. Oui, mais surtout que c'est pas filmé, donc c'est là maintenant. Oh, ils vont le filmer. OK. Et ça te prend beaucoup de temps, surtout la chorégraphie, comment préparer la mise en scène, travailler avec les danseurs, choisir les chansons de Walt Disney en français ou en anglais? Tout est en français. OK. On a traduit en français. Mais c'est pas difficile de laisser tomber certaines chansons pour d'autres? Comment tu as fait le choix, toi? Je ne suis pas tout seul à faire le choix. Ouais. C'est les producteurs qui ont fait le choix aussi. Ah ben oui, ils ont choisi aussi merci, au revoir. Les grands tubes. Avec quelques... Chansons méconnues. Oui. Ou pas méconnues, mais un peu plus rares. OK. Voilà. Okay. Donc ça, c'est imminent. Oui. Mais c'est un spectacle de 2 heures, facilement, parce que Walt Disney, c'est tellement... C'est rempli de chansons. Mais c'est chouette. Ah oui. On a un orchestre... En direct, surtout. On a un orchestre direct. On a les chanteurs qui auront les micros. Oui. Les danseurs. Des costumes magnifiques. Ah non, c'est une féerie. Alors, c'est pour faire rêver, c'est retourner à notre moment où, lorsqu'on regardait les Walt Disney, nous étions... Oh, ben Disney! Oui, ben oui. Ça fait rêver. Ben oui, oui. C'est génial. Mais ce serait bien que ce soit joué à Euro Disney. Oui, c'est vrai. Ben oui, ben oui. Une fois que tu as terminé... Je vais en parler au producteur. Oui, ben oui. Une fois qu'on va filmer un peu de le... Y avais-tu pensé? Pardon? Est-ce que tu lui avais-tu pensé? Non. Au fait de... Ah non? On n'y a pas pensé. Ah, ben merci, ça m'a fait plaisir. Non, non c'est mais vrai. C'est... Ben oui, ben oui. Puis c'est tellement de travail pour une seule journée. Et si ça cartonne, si ça fonctionne bien. Ben bon, une journée avec 800 personnes, oui. Ça... Parce que le parc château est magnifique. Ah oui, oui, oui, mais c'est l'atmosphère aussi. Qui... C'est énorme. Oui. Ça parle de lui-même. Hein, ça part déjà avec la magie de l'emplacement. Le château qui est beau. Et qui n'est pas un château en ruine, hein. C'est un château... Oui, oui, qui a été entretenu, oui. Très entretenu. Est-ce qu'à force de faire de la musique, de la mise en scène, tout ça, tu es de demander de partout, est-ce que c'est difficile de choisir parce que tu dois abandonner des projets que tu aimerais peut-être faire, mais que le temps, c'est 24 heures... J'ai pas eu tellement ce genre de problème. OK. J'ai pas eu beaucoup ce genre de problème. Parce qu'en même temps, de par le fait que je fais plusieurs choses différentes, la diversité fait qu'il y a toujours un intérêt. Ah ouais. Après un opéra, tout d'un coup, faire une pièce de théâtre ou un tournage, on change de monde. Et pour moi, c'est une chance de pouvoir passer... Ah oui, d'un à l'autre. Oui. Mais surtout que tu ne peux pas dire que tu es sclérosé dans un style, parce que si tu fais de la chanson, de la mise en scène, ça change un peu. Donc, tu as une vision globale du métier. Mais je fais de la chanson aussi. J'adore. Oui, c'est ça que je dis. Tu vois, par exemple, là, j'ai un rendez-vous après. Okay. C'est dommage parce que je t'en aurais donné un. Mais là, je ne peux pas parce qu'il est... Là, j'ai fait un disque de... Okay. Avec les grandes chansons françaises. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est en vente? Non. OK. Il est... Mais je pourrais... Je t'enverrai mon adresse. Voilà. OK, parfait. Et je l'en... au Canada? Au Québec. Ça? Oui. Ah, mais c'est parfait. C'est pas pareil, le Canada et le Québec. Non, hein. Non, mais attention, le Québec, c'est francophone et le Canada, c'est anglophone. Faut pas heureusement mélanger. Que vous êtes là. On essaie. Oui, parce que la langue française, ici... Oui, ben, c'est partout, hein. Partout. Mais pour nous, c'est de se sortir d'un océan anglophone. Donc, mais c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler de tout. Non, non, mais on parle de tout. Oui, on parle de tout. Oui, oui, oui. Oui. C'est de l'errance. C'est de l'errance, comme mon émission. Oui, oui, oui. Expression, monsieur. C'est pour moi. Là, monsieur. Attendez, restez là. Non, non, non, je m'en occupe. Non, c'est moi. Non, je m'en occupe. Oh, merci. Et prenez votre temps. OK, à tout à l'heure. À tout à l'heure. OK, parfait. Oh, oui. Oh, oui, on ne change pas la recette. On ne change rien. OK, on ne change rien, oui. Et voilà, monsieur. Merci, le verre d'eau, il arrive tout de suite pour vous, monsieur. Merci. Donc, je vais vous parler de Serge Gainsbourg, qui a écrit des choses très originales et très diverses. Une chanson que j'aime particulièrement aussi, qui n'est pas très connue de Gainsbourg, c'est « Ces petits riens ». Mais je vais vous la dire. Mieux vaut penser à rien que pas penser du tout. Rien, c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et comme on oublie tout, rien c'est bien mieux. Rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien. Ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tous ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien, entre nous évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie. Je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous, les voulez-vous, tenez. Que voulez-vous ? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Et bien maintenant, je vais vous la chanter. Thank you. penser à rien que pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, mais comme on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien, entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur, et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous? Tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Étant jeune, tu as déjà beaucoup travaillé. Tu n'as pas commencé à 20 ans, tu as commencé bien avant. À 8 ans. À 8 ans. Tu es un enfant un peu de... Le travail que tu as fait à 8 ans t'a donné la piqûre de continuer, de poursuivre et d'aller chercher... Et ça donne aussi une maturité très vite. Ben oui. Oui. Mais tu n'as pas eu d'enfance. Ton enfance a été... C'est ce métier. Est-ce que ça t'a manqué? Franchement, non. Non. Est-ce que tu ne jouais pas avec tes copains, avec tes copines? Tu étais toujours en studio, toujours en train de travailler? Ça m'empêche pas d'avoir une vie quand même. Mais quoique... je pense que j'aurais pas eu beaucoup de temps pour m'occuper d'un petit bébé. Ok. Mais... maintenant, aujourd'hui, avoir une grande fille ou un grand fils, je serais ravi. Ah ouais. Tant pis. Ouais. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Ouais. Il faut... Mais il y a des choix aussi. Ouais. Tu as fait des choix. Oui. Oui. Des fois, difficile. Des fois, difficile. Ah oui, des choix difficiles, oui. Parce qu'entre la vie... Mais je n'ai même pas eu à faire des choix. Là, j'ai suivi ma route comme ça. Et elle s'est présentée comme ça, ma route. Est-ce que tu te considères comme un être privilégié de toujours travailler parce qu'on voit certains créateurs qui, eux, sont dans... Ben bien sûr. Bien sûr. Il y a 3 ans, par exemple, j'ai fait une chose que j'avais envie de faire. Avec un ami chorégraphe, j'ai eu l'idée de faire un spectacle sur Nijinsky, où j'ai interprété Nijinsky, sans danser, en comédie. Et j'avais des danseurs avec moi. Et on a fait un gros succès au Festival d'Avignon. Ouais. Oui. Est-ce que tu l'as repris par la suite? J'ai plus envie de le reprendre maintenant. Parce que... voilà, c'est une belle chose. Tu veux passer à autre chose aussi. À chaque fois, tu veux passer à autre chose. Oui. Tu veux pas toujours stagner dans un projet. Parce non, mais que... on l'a joué avant Avignon. On a fait une 20aine de représentations dans diverses villes de France. Et après, on l'a joué un mois à Avignon. Ah, okay. Elle était très rodée, très, très préparée. Voilà, et puis, comment dire, c'est un spectacle qui était très lourd sur moi, sur mes épaules. Que j'ai aimé faire, mais qui n'était pas tout à fait ce que j'espérais. Il n'était pas assez abouti. C'était pas assez... C'est pas ça. Okay. Il n'était pas parti dans une ligne que j'aurais voulu avoir. Pourquoi? Bah, le texte... L'auteur qui avait écrit le texte, elle avait écrit un très beau texte, mais elle s'était un peu brumeux, le texte. Ampoulé? Ouais, c'était trop... C'est un auteur, c'était intelligent, mais elle parlait trop d'elle. Oh, moi, je m'en foutais d'elle. Il y avait une séquence merveilleuse sur l'époque de Nijinsky, où il parlait du Titanic et du naufrage. Et ça, c'était Ça, c'était une séquence. C'était la séquence que j'aimais beaucoup faire. C'est un passage que tu privilégies. Ouais. J'adorais ce passage. Mais tout n'était pas de cette même verve. Ouais. C'est même magique. Et moi, j'avais fait confiance. Alors, quand je fais confiance à quelqu'un, je passe pas ma vie à l'embêter en disant non, faudrait être... non. J'avais fait confiance. Ok, alors tu aurais pu repasser sur certains passages en lui disant ben ça, j'aimerais ça que tu retravailles ça. Oui. Mais ça aurait fait des conflits. Ok, ok. Toi, t'es... J'aime pas les conflits. Et puis, j'étais pas le metteur en scène. Si j'avais été le metteur en scène, je lui aurais dit non, ça je ne veux pas de ça. Mais j'étais pas le metteur en scène. T'étais comédien? C'était mon idée, mais j'avais choisi le metteur. J'avais choisi le chorégraphe. Ok. Donc c'est l'erreur d'avoir pris cette personne-là. Oui et non. Croyant que sur le plan de la danse, il a fait des choses bien, mais c'est là où je me suis aperçu qu'il est chorégraphe, mais il n'est pas metteur en scène. Voilà, c'est ça. Toi, tu as une vision globale, pas lui. Ça n'a rien à voir, être chorégraphe et metteur en scène. Quand on a la chance d'être les deux, c'est formidable. Ben c'est ça, je te dis, toi, tu as une vision globale, parce que tu as été danseur, tu as été metteur en scène, tu as été comédien, donc tu as même chanteur, donc tu connais toutes les... Les ficelles. Tous les rouages artistiques. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu peux mettre aussi ton grain de sel à certains endroits, parce que... C'est un peu plus faible à certains niveaux. Ah, mais je le dis. Hein. Ah oui, oui. Est-ce que tu prends ta place ou pour éviter des conflits, tu te retires? Des conflits, j'en ai rarement eu dans ma carrière. Tu es un pacifiste. Mais en revanche, je ne me laisse pas faire. Là, pour Nijinsky, je me suis dit, bon... Parce que le spectacle n'était pas nul. Hein. Non. Attention, autrement, je ne l'aurais pas joué. Ouais. Non, le spectacle n'était pas nul. Il n'était pas ce que j'avais rêvé. Il n'était pas abouti. Il était abouti pour lui, pas pour moi. C'est ça, oui, exactement. Parce que toi, tu avais la rigueur et tu connaissais aussi ce que lui ne connaissait pas. Lui connaissait parce que c'est un chorégraphe, mais il l'a traité trop danse contemporaine. Et il a oublié que c'était aussi un spectacle de théâtre. Ah ouais. C'était trop frontal, pas assez... Mais bon, c'est fait. Ah, c'est fait. Ouais. C'est pour ça que je le fais plus, là, maintenant. Et puis, j'ai été honnête, on a eu beaucoup de succès à Avignon. Non, ça a très bien marché. Mais bon... Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe la chance, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, et bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal. pour atteindre son écarté, pour atteindre l'inaccessible étoile. Et également, tu fais des voix, je t'ai entendu sur France Inter. Oui. Ça fait combien d'années? Je sais plus, je ne compte pas, mais j'en ai pas mal. Alors, tu es un peu la voix de France Inter. Un peu. Oui. Est-ce que tu l'écoutes? Parce qu'elle a changé, elle n'est plus ce qu'elle était il y a 20 ans, 10 ans. Non, j'écoute pas beaucoup. OK. C'est pas la radio que j'écoute. OK. Moi, j'écoute Radio Classique ou Europe 1. Ah oui? Voilà, j'aime beaucoup Europe 1. OK. Oui. J'aime bien... France Inter, c'est un peu... Mais c'est la radio d'État, hein? Oui. Non, je préfère... De temps en temps, j'écoute une émission, mais non, c'est pas ma... Le matin, quand je me lève, c'est ou Radio Classique ou Europe. Est-ce que tu te réécoutes souvent? Non. Jamais? Le disque... Un peu. Parce que j'ai des dates prévues pour reprendre, okay. Pour pas oublier les paroles. Ça, c'est le disque, c'est piano-voix? C'est piano, accordéon et voix. Ah oui. Et les chanteurs que tu as placés sur la pastille, non, c'est des chanteurs que tu écoutais, que tu écoutes et que tu adores. Les chansons? Non. Oui. Mais je vais trouver. Ben, parce que j'ai vu Prévert, j'ai vu Gainsbourg. J'ai fait un choix de ce que j'avais envie de chanter. Mais il y a tellement de chansons, hein? Il y en a 18. Mais... Oh, ça a été un gros travail. Ouais. Et je l'ai créé à l'Opéra de Limoges. Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre chaque chanson? Non. C'est une promenade à travers... Tu verras quand je te l'enverrai. Je parle un petit peu entre... Ah, c'est ça que je veux savoir. Ouais. En spectacle aussi? Oui. Annonces-tu la chanson ou si tu racontes l'histoire? Ou... J'annonce une fois... J'annonce deux ou trois fois. J'annonce pour Gainsbourg. J'annonce pour la dernière chanson que j'adore. C'est laquelle? Le final. Paris-Paname, ah ouais. Que chantait Joséphine Baker. Oui, oui. Ça, c'est une délectation. C'est fort, c'est très fort. Donc j'annonce, je dis au public que j'ai eu un coup de cœur en l'écoutant par Joséphine Baker. Je parle un petit peu. Gainsbourg, c'est la Javanaise, je crois. Hein? Non. Non. Non. C'est... C'est une chanson qui s'appelle Les Petits Riens. Oui, oui, c'est le premier tu album. Ben oui, c'est Petits Riens que l'on en a de tout. Ben oui, ben oui, je connais l'œuvre de Gainsbourg. Mieux vaut ne penser à rien que de pas penser du tout. Rien, c'est déjà rien, c'est déjà beaucoup, oui. C'est beau. Mais là, beau. Je fais une surprise. Oh. Je commence par le dire, sans musique. Tu récites. Sur le CD. Je le dis. Et après, je le chante. Alors, il y a une répétition. Il y a la narration et la chanson avec les musiciens. Oui. Ah, c'est une très bonne idée. Est-ce que tu refais vraiment le CD sur scène avec les mêmes mots, les mêmes... Le CD, là, comme il a été fait... C'est exactement, sans changer une note ou un mot, c'est exactement le spectacle comme je le représenterais. Sans public. Sur le disque, c'est sans public. Ah, c'est en public. Ah, c'est en public, OK. Ah, c'est ça qui est bien. C'est le jour de la première. Oh, parfait. Oh. J'étais comme ça. Oh, mais oui, mais c'est risqué de faire un disque le jour de la première. Pourquoi tu as voulu ça? Mais parce qu'on l'a enregistré, je ne le savais pas. Parce que je l'ai fait à l'opéra. Je l'ai fait à l'opéra de Limoges. Et... Le régisseur qui était au bouton, il l'a enregistré. C'est tous les jours, hein? Oui, toujours, oui. Il l'a enregistré, sans que je le sache, avec un son formidable. Et après, quand je l'ai su, j'ai fait... J'ai écouté. Oh, je me suis dit, ça, il faut garder ce souvenir. Et en même temps, c'est un vecteur important pour proposer des galas. Oui, voilà, c'est vrai. Parce qu'on envoie le disque. C'est la carte de visite. Carte de visite. Et... Ah, je me suis dit, j'en fais un CD, que j'ai produit moi-même. Autoproduit. Oui. Ouais, c'est bien. Qui n'est pas en vente dans le commerce. Mais ça a été pour mes amis. OK. Pour mes amis et pour la promotion du spectacle. Et donc, tu vis de rêve en rêve. Tu vis de passion. Ah oui. Ah oui. On va ce métier, c'est pas, on peut pas le faire autrement. Ouais. Parce que ça mange. Ça vous mange, ce métier. Effectivement. Okay. Ouais. Et ça... comment tu fais pour te renouveler? Est-ce que tu prends des vacances? Parce qu'on arrive à la fin, je veux pas non plus te monopoliser le temps. Alors, ouais. Mais il faut me tirer les oreilles pour prendre des vacances. Tu es dans l'action depuis le début, depuis l'âge de 9 ans. Est-ce que les gens qui t'entourent te trouvent effréné? Oui, mais en même temps, je suis un passionné, mais calme. Ah oui, OK. Et non pas nerveux, oui. Tu es posé. Je suis quelqu'un de nerveux dans mon activité. OK, oui. Parce que je ne suis pas comme ça. Aphasique. Voilà, je suis quelqu'un de nerveux dans mon activité. Mais dans ma passion de ce métier, c'est en même temps une passion maîtrisée et calme, tout en étant... présent. Bouillonnante. Oui. Voilà. Énergique. Oui. Énergique. Oui. Tu as encore 1000 projets, tu as encore 1000 choses à dire. Oui. J'ai... Oh là là, dis donc, c'est... C'est un décor. J'ai une pièce que j'ai écrite, que j'espère voir jouer bientôt. Et j'ai un autre spectacle en préparation pour le mois de janvier prochain, dans lequel, s'il m'a fait plaisir, je ne fais pas la mise en scène, on m'a engagé comme artiste. Alors c'est plus relax quand tu joues juste l'artiste. Alors t'as moins de pression. On est 9. Oh, c'est beaucoup. Il y a 3 musiciens. Ah, c'est beaucoup. 3 chanteurs-acteurs et 3 chanteuses-actrices. Mais tu as beaucoup de confort aussi quand tu joues dans des spectacles, parce qu'il y a des musiciens, normalement c'est des bandes son, tu as la chance d'avoir des musiciens. Ah non, là c'est en direct. Oui, c'est ça. Alors c'est un privilège. Puis tout le monde ne peut pas avoir ça, donc c'est assez unique. Oui. C'est moi qui vais poser une question maintenant. Oui. C'est des vacances pour toi ici à Paris, ou alors tu es venu pour interviewer plusieurs personnes? C'est ça, le deuxième choix. C'est ça? Oui. Mais en fait, le travail, c'est quand tu prépares l'horaire pour rencontrer les gens, c'est d'aller chercher les artistes et déplacer sur un créneau horaire. Puisque Paris c'est une femme, appelez donc Paris Paname. Paname, c'est la fleur du pavé que vous pouvez trouver en bord de Seine. Paname, c'est un joli minois qui sait prendre parfois l'air d'une reine. Avec tes airs de grande dame, tu es le chic, tu es la femme. Paname, pour un simple refrain, tu anoblis quelqu'un et tu l'acclames. C'est ça qui fait Paris Paname, Paname, Paname, Paname, Paname. Paris Paname, Paris Paname. Du Sacré-Cœur à Notre-Dame, écoutez la voix de Paname. Paname, c'est un grand escalier, une femme empanachée sous l'or des flammes. Paname, c'est un peu de mon cœur qui sous les projecteurs pour vous enflamme. Pour faire l'amour, quel beau programme. Tu coules en nous comme une flamme. Paname, tu resteras toujours la ville de l'amour et de la flamme. Alors chantez Paris, Paname, Paname, Paname, Paname, Paname. Paris, Paname, Paris, Paname. Je n'oublierai jamais madame. Ni vous, messieurs, ni vous, mesdames. Paname, j'ai su garder pour toi comme un bouquet de joie mes chansonnettes. Paname, avec ses deux amours, il a suffi d'un jour pour ta conquête. Alors, merci, Paris, Paname. Merci pour tout, du fond de l'âme. Paname, tu resteras toujours la ville de l'amour et de la femme. C'est tout mon cœur, Paris, Paname, Paname, Paname, Paname, Paname. Paris, Paname, Paris, Paname. Et toi, on a beaucoup? Bien, cette année, c'est la première fois que j'en ai autant. Normalement, c'est une vingtaine. Cette année, en 10 jours, j'en ai 42. Aujourd'hui, cette année? Cette année, 42 en 10 jours. Et là, c'est avec moi, c'est presque fini ou... En fait, je m'en vais mardi. Donc, oui, alors, donc les 42 sont presque finis, là? Oui, il m'en reste un peu moins. Il m'en reste 9. Ah, quand même? J'ai un repas demain avec Didier Aubard, oui. Que tu connais. Oui. La chanson chanson. Oui, oui. Je vais déjeuner avec lui, parce que oui. Chez nous, c'est pas la même chose. Oui. Il y a le déjeuner, dîner, souper, mais vous, c'est le petit déjeuner. Et voilà, c'est, ah oui, c'est exactement, oui. Donc, je vais déjeuner avec lui. Et nous, c'est à l'américaine. Hein? Donc, oui. Pour ça, c'est le petit déjeuner n'existe pas. Après ça, j'ai 4 autres rencontres. Et j'organise des mini-concerts sur le banc public sur la rue des Abeilles. Ah, d'accord. Et il y avait Boris Berman la dernière fois. Il y avait Renaud Bernal qui travaille sur un album avec Boris Berman. Ouais. Il y avait plein de musiciens. Un spectacle qui a duré 2h20. Ils ont fait 3-4 chansons. Et ça s'est très bien passé. Ah, c'est chouette. Ah, et, oui. Après, et après, retour au Canada, retour au Québec. Au Québec. Au Québec, oui, je ramène tout ça au Québec. Juste Canada, juste Québec. Ouais, c'est ça. Oui. On ramène tout ça au Québec. Je place ça sur une programmation 2022-2023. Donc, c'est pour une chaîne de radio? C'est pour CKRL, qui est la première radio communautaire francophone au monde. D'accord. Alors, c'est une radio libre. On a commencé en 73, ou c'est en 80. On est arrivé à Paris pour vous montrer comment on faisait chez nous avec nos machines et tout ça. Et ça donnait des super nanas, les Carbone 14, les Lafesse et tout ce monde-là, les Coluches à la radio. Et là, maintenant, il y a beaucoup d'auditeurs? Il y a beaucoup d'auditeurs. Ça, l'Audimat, ce n'est pas une radio commerciale. Donc, on a fait un profil de nos auditeurs. Ouais. Donc, on sait à peu près la tranche d'âge, le salaire moyen de l'auditeur. Donc, on a vraiment le profil. Et pour ce qui est du nombre de personnes, dépendant des émissions, tout est relatif. Donc, finalement, il y a 42 émissions qui vont passer. 42 rencontres, mais je fais ça, je divise. Exemple, si j'ai une rencontre de 120 minutes, ben, je vais mettre ça sur 5-6 émissions. Tu peux pas, d'accord. Parce que moi, je fais 60 minutes d'improvisation sur l'absurde et 60 minutes de rencontre parisienne. Donc, c'est une émission qui en perd deux. D'accord, d'accord. Ah non, mais c'est intéressant. Ah ben merci. Alors, moi, j'ai encore jamais mis les pieds au Québec. Et en même temps, ce serait... Et c'est vrai ce que je dis. Ce serait un rêve d'y aller. Mais j'aimerais aller au Québec, par exemple, faire mon tour de chant. Oui, ben oui. Voilà. Et c'est très facilement transportable. C'est pas compliqué. Deux musiciens et moi, c'est tout. Oui, oui. Puis il y a des belles salles que je vais t'envoyer, là, la description. Eh bien, alors, je peux le dire à la radio? Ben oui, vas-y. Que je serais ravi. Ben oui. Oui, je serais ravi vraiment de venir faire une série de récitals. Ben oui. De chansons françaises, en plus, ça, c'est... Puis en plus, c'est nos racines. On écoute beaucoup de chansons françaises. Non. Donc, on est des amoureux de la langue française. Donc, quand tu rentres, oui, ou même avant de rentrer, oui. Tu m'envoies par Messenger ton adresse. Oui. Et moi, j'envoie terrestre. Deux. On appelle ça l'adresse terrestre. Parce que, terrestre, parce qu'il y a l'adresse courriel qui est cybernétique. D'accord. Mais terrestre, c'est la maison. Et moi, j'envoie le... Parfait. J'envoie le disque. Parce que c'est grâce à ça, dans notre rencontre, je vais entrecouper ça de ce disque-là. Donc, ça risque d'être fabuleux. D'accord. Donc, merci d'avoir accepté. Hein. C'est comme une étoile filante. Tu passes et tu repars. Non, mais moi, ça m'a fait plaisir. Moi, je trouve ça adorable de me contacter pour faire... Puis en plus de ça, quand j'ai vu que tu venais du Québec, c'est encore plus chouette. Ben, ça plaît beaucoup. Ouais. Oui. Est-ce que je peux prendre des photos avant que tu quittes? Parce que c'est encore 15 minutes à peine. Bien sûr. Le temps passe. Hein? C'est comme fou, tu veux. Temps. C'est fou, là. Non, mais c'est fou le temps. Ça fait 30 minutes que l'on parle. Mais c'est incroyable. Ah oui, c'est fou. C'est j'ai fou. L'impression que ça fait 10 minutes. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai regardé l'heure. Oui. Ouais. Alors, je ne veux pas non plus te monopoliser. Hein? Oh, je suis un peu en retard, mais tant. Oui. Il va m'attendre. Oui. Alors, on va faire ça comme ça. Ça comme ça. Parfait. Tu veux que je me lève? Oh non. Non. Non. À hauteur d'homme. Allez. Je vais en prendre quelques-unes pour choisir. Merci. De rien. Merci. Et ça me fait plaisir, je vais payer. Mais moi aussi, je suis ravi. Alors, je te laisse à tes occupations. Oui. Puis la prochaine fois, on va prendre le temps de prendre le temps. Absolument. La prochaine fois... On prendra un repas ensemble. Eh bien, c'est toujours mieux. J'aime bien cette expression, on prendra le repas ensemble. Eh oui. Ouais, c'est joli. Mais il n'y a que vous pour avoir des expressions françaises aussi imagées et colorées. Oui. Ben, merci. On prendra le repas, mais c'est beau, ça. Eh oui. Ah oui. Eh oui. Alors, il y a un mot que j'aime bien, mais c'est très français, c'est un peu argotique, c'est un peu argot. On dit on se fait une bouffe. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Chez vous aussi, on se fait une bouffe? Oui, oui. Oui, mais... Parce que c'est un côté charmant. Oui, oui, ça, on se fait une bouffe, oui. Ouais. Et puis moi, je termine toujours avec ma phrase clé, c'est à la revoyure. C'est joli, ça aussi. Ah oui. À la revoyure, ça se dit aussi ici. Oui, ça se dit, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Selon certains... C'est pas ça. Beaucoup. Mais non. Donc, bon. Oui. Je pars. Oui, oui, hein? file. On se dit à... Ben la prochaine fois que tu viens à Paris. À la Royeuse, l'année prochaine. Eh ben on va manger au Sancerre à côté ou n'importe où. Parce qu'à chauffeur, tu descends ici dans ce quartier. Oui, parce que c'est mon bureau, c'est plus facile d'aller en artiste à la Chine. Eh oui. Parce que si je prends le métro, je perds beaucoup de temps. Bon, puis c'est Montmartre. Hein. Ah, ben oui, c'est beau. Hein. C'est Paris. Ah, oui, oui, c'est ça. Ben oui, c'est la vivacité. C'est Paris. Que ça te ressemble aussi. Oui. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté. Hein. Mais non, mais tout le plaisir est pour moi. On se donne la main ou on. Ouais. Eh ben on fait ça. Ben oui, ben oui. Bon, ça a changé, hein, le discours a changé. Oui. Mais bon. Mais ça y est, je me suis fait... J'ai fait mon quatrième vaccin il y a une semaine. Mais moi, je le fais en revenant de Paris. Il faut le faire. Ah oui. Moi, je ne lâche pas parce que si je veux revenir, je dois être vacciné. Il faut le faire. Oui. Les anti-vaccins... Oh ouais, mais ça, c'est... Que je te dis ce que j'en pense, ouais. C'est des cons. Ben oui. Et ils nous emmerdent. Oui. Voilà. Et comme disait Brassens, quand on est con, on est con. Exactement. Oui, voilà. Bon. Ah, merci, puis vas-y. À bientôt. Salut, bye. Merci. Merci beaucoup, mille fois. Merci pour le café. Ben, ça fait plaisir, voyons. Tu m'enverras la photo? Oui, je t'envoie tout. Oui. OK, merci. Ciao, ciao. Merci, bye. Édith Piaf, que j'aime infiniment, je vais vous interpréter deux titres que j'aime tout particulièrement. Mon Dieu, pour commencer, et l'hymne à l'amour. Oh, oui. j'ai tort, laissez-la moi un peu. Mon Dieu, mon Dieu, laissez-la moi encore un peu, encore un peu. Six mois, toi, moi, deux mois, laissez-la moi seulement. Mon Dieu, même si j'ai tort, laissez-la moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-la moi s'écrouler et la terre peut bien s'effondrer. Peu m'importe si tu m'aimes, je me moque du monde entier tant que l'amour inondera mes matins. Que mon corps frémira sous tes mains. Que m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, j'irai dans les eaux profondes si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. J'irai loin de mes amis, je renierai ma patrie si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes, Dieu réunit ceux qui s'aiment. Thank you.